re, re va copli favor in espere, des noble seigneur, je peux marcher légal. Pour qu'on sache à la cour combien je vous honore, vous que m'avez sauvé, vous le vainqueur du mort, comte de Zamora, marquis de Montréal, à vous ce titre, à vous cet ordre d'or. Dites-vous, messieurs, les rois vont gêner, se payer à donner l'homme de l'infamie, je dis bien, et vous prie, les plaies de Marie, entre tout est d'accord, et si pacte Dieu, vous attendez le foutre de l'église. Tenez, c'est Léonore, la nouvelle marquise. Oh,